Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue en cette nouvelle année 2026 dans le 125e épisode de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 18. Bienvenue et j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui débute sous les meilleurs auspices jazzistiques, du moins. Pour le reste, voilà, on essaie de se tenir tranquille vu tout ce qui se passe autour de nous. Et je suis toujours en compagnie de Vincent qui assure, comme d'habitude, la technique avec beaucoup de brio. Et on a débuté, comme d'habitude, avec le générique Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers qui nous accompagnent depuis 5 ans. Toujours ce très beau générique. Je vous rappelle aussi que si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez le faire sur Facebook, groupe Osez Jazz à tous les étages, sur Insta, ça s'appelle Osez Jazz tout court, et puis vous pouvez toujours suivre aussi les podcasts sur radioactivefm.fr. Voilà, et puisqu'on parlait de générique, on va commencer comme d'habitude avec la rubrique générique, tous les génériques qui ont marqué ou qui marquent toujours, aussi bien à la télévision qu'au cinéma, l'histoire de la musique, l'histoire du jazz aussi, un petit peu. Et puis aujourd'hui, on va revenir sur une série relativement récente, puisque elle date de 2007 et elle a duré jusqu'en 2015, une série qui a connu un succès énorme, 8 saisons, 92 épisodes. La série est une série américaine qui s'appelle donc Mad Men, alors qu'on pourrait traduire par les hommes fous, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi parce que ça raconte l'histoire d'une équipe de publicitaires qui opère depuis le siège social de leur entreprise, qui se trouve sur Madison Avenue à New York. Donc Mad Madison, ça vient de là. C'est les hommes de Madison aussi qui sont là. Alors des hommes un petit peu sans foi ni loi, comme vous pouvez y être au début des années 60, le tout sous fond de rivalité politique au moment de l'élection présidentielle qui voyait s'affronter Richard Nixon et un certain John Fitzgerald Kennedy. Donc voilà, les ces publicitaires étant justement impliqués dans cette campagne, parce qu'ils font la pub pour les candidats. Donc une série très intéressante avec un très très beau générique, esthétiquement très beau, qui est inspiré par certains génériques qu'avait créé Saul Bass, qui avait bossé notamment pour Hitchcock sur La mort aux trousses, mais aussi sur Sueur froide. Donc on y voit en fait un décor d'un immeuble avec beaucoup de lignes, des lignes droites, des lignes verticales, des lignes horizontales, et puis un corps qui tombe depuis, on imagine, au moins le 30e étage. Tout ça entièrement dessiné, découpé et très très esthétique. C'est vraiment très très beau. Et ce générique est accompagné d'ailleurs d'un morceau plutôt un peu électro qui s'appelle A Beautiful Mind de RJD2. Mais c'est pas ce morceau-là que j'ai sélectionné, parce que dans la série, il y a aussi énormément de morceaux qui sont utilisés, des morceaux de jazz de l'époque, qui sont utilisés, et notamment un certain morceau qui s'appelle Butch Me, qui est chanté par Madame Rosemary Clooney. Rosemary Clooney, c'est une chanteuse de jazz et elle était également actrice qui a connu une très belle carrière dans les années 50, un gros succès. Elle a même été jusqu'à enregistrer un album entier en compagnie de Duke Ellington, qui était quand même le top du top à l'époque, un album qui s'appelait Blue Rose. Et puis petit à petit, bon, son étoile s'est un petit peu éteinte à la fin des années 60. Il est à noter quand même qu'il s'agit aussi de la tante de Monsieur George Clooney. Hein, c'est quelle famille, n'est-ce pas? Monsieur Georges Clooney, tout nouveau citoyen français d'ailleurs, hein, on a pris ça pendant les vacances de Noël. Bienvenue George, c'est un plaisir. What else? Et puis voilà, Rosemary Clooney, donc elle avait cette petite voix un petit peu flûtée, un petit peu pointue, etc. Et voilà, on l'entend dans cette série avec ce morceau Butch Me. Alors ça veut pas dire grand chose, Butch Me, ça veut dire un petit peu bouscule-moi, mais voilà, on sent que c'est plein de sous-entendus, hein, étant donné que la série a quand même des tonation un peu sexuelle quand même par moment, il faut bien le dire. Donc bouscule-moi, bascule-moi éventuellement. Mais tout se joue en fait sous le sous-entendu et surtout sur des onomatopées dans cette chanson. Vous allez pouvoir l'apprécier. C'est presque du scat par moment, de ce style de musique vocale très très syncopé. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite. On va écouter donc ce Rosemary Clooney, Botch Me. Botch me, I botch you, and everything goes crazy. Ba, ba, botch me, bambino, ba, ba, bo, bo, bo, co, piccolino. When you kiss me, and I'ma kiss you. Tra la la la la la la la loo. Ba, ba, botch me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe if you squeeze me and I'ma squeeze you. Tra la la la la la la la loo. Bee-oo, bye-oo, bee-oo, boo. Won't you botcha, botcha me? Bee-oo, bye-oo, bee-oo, boo. When you botcha me, I botcha you, and everything goes crazy. Ba, ba, botcha me, bambino, ba, ba, bo, bo. Boca piccolino, and then we will raise a great big family. Tra la la la la la la la li. Botch me, I botch you, and everything goes crazy. Ba, ba, botch me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe if you squeeze me and I'ma squeeze you. Tra la la la la la la la loo. Bee-oo, bye-oo, bee-oo, boo. Won't you botch you, botch you me? Kiss me. Bee-oo, bye-oo, bee-oo, boo. When you botch me, I botch you. Come on, you kiss me, eh? Ba. Ba, baccia mi bambino, ba, ba, bo, bo, bo, co, piccolino, and then we will raise a great big family. Tra la la la la la la la, bio, bio, bio, boo, baccia mi bambino, baccia mi. That's nice. Ah, ça devait bien rigoler chez les Clooney à l'époque. Rosemary Clooney, donc Botch Me, que l'on entend dans la musique de cette série Mad Men, qui date de la fin des années 50. Rosemary Clooney, Botch Me, un titre tout à fait léger. Vous aurez remarqué qu'il y a un pauvre clavecin qui se fait littéralement bousculé lui aussi dans cette chanson. Il y a même un petit pain à la fin du solo parce que c'est quand même pas des instruments qui sont faits pour le swing, le clavecin. Donc là je pense que celui-là il a dû prendre cher, et je pense qu'il a dû y avoir un accordeur qui a dû avoir beaucoup de boulot à faire à la suite de cet enregistrement. Voilà, c'était donc Rosemary Clooney. On va passer à des choses un petit peu plus récentes. On va replonger cette fois-ci dans l'Amérique des années 2025, puisque 2025-2026, mais le disque dont on va parler est sorti en 2025 en fait, et voilà, je l'avais loupé parce que il sort tellement de choses que c'est toujours difficile d'aller piquer tout ce qui peut être intéressant dans l'actualité musicale. Et c'est l'album d'une chanteuse et poétesse américaine qui s'appelle Lisa Marie Simmons, et qui a sorti un album avec un ensemble qui s'appelle Notes Peak, fin 2025. L'album s'appelle In a Word, et il a cette particularité d'être un album en grande partie parlée. Elle est chanteuse, Lisa Marie Simmons, mais elle est aussi poétesse, et elle écrit beaucoup sur la situation de l'Amérique aujourd'hui, sur les problèmes aussi bien sociaux, politiques, environnementaux, sur les problèmes de suprématie blanche, de misogynie, etc. Donc elle a, voilà, elle-même étant noire, a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et donc, elle en fait des poèmes et des chansons. Et cet album est partagé justement entre poèmes accompagnés par des musiciens de jazz, mais aussi un petit peu d'électronique par moment. Et puis un album qui a eu des prix d'ailleurs parce que il y a une catégorie spéciale sur tout ce qui est musique parlée aux États-Unis. Donc, elle a reçu plusieurs prix parce que c'est le troisième album d'une série d'albums qu'elle a fait comme ça à moitié parlé. Vraiment cet album c'est un petit peu une vision de l'Amérique aujourd'hui et ce que les citoyens qui sont un petit peu à la marge souhaiteraient que l'Amérique devienne face à la montée de gens comme Trump et de la politique qu'il se permet de mettre en place un petit peu tout seul dans son coin dans ce pays. Donc on va passer deux morceaux de cet album donc qui s'appelle In a World, qui est sorti sur le label Ropadope, qui est un label qui est fait plutôt habituellement dans le hip-hop, dans l'électro, mais qui a aussi signé cet ensemble de jazz. Donc Lisa Mary Simmons qui chante et parle sur cet album est accompagnée par un tas de musiciens qui doivent faire partie très certainement de la communauté italienne, italo-américaine, puisqu'on y retrouve Marco Cremaschini au clavier, Manuel Cagliumi au sax et à la clarinette, Marco Coccioni à la basse et Federico Negri à la batterie. Donc ça fait vraiment une belle équipe d'italo-américains pour l'accompagner. On va commencer par le morceau qui s'appelle tout simplement Intro, qui est le premier morceau de l'album dans lequel c'est un peu une déclaration de ce qu'elle souhaite mettre en place dans cet album. Et on écoute donc ce morceau tout de suite, Lisa Mary Simmons et Not Speak. In the beginning, that was not a beginning. She swirled her eddies out, making the cosmos as she rolled and unfurled, and from her great, dark, black lips came quarks and hadrons. Came gases and sands and nebula, and she spewed a matter and antimatter into the world. She gave birth to planets and peoples. She gave birth to the tree people, to the water people. She gave birth to the four-legged peoples and the many-legged peoples. She gave birth to song and sound and breath, and a song wrapped its way around intention. She made language, a spilling, swirling vortex, a great cloak over all the peoples, and each one picked up a hem of that cloak and ate it. Thank you. Voilà, c'était ce premier morceau donc qui introduit cet album de Lisa Marie Simmons et Not Speak, qui s'appelle Intro. Donc, et vous l'aurez entendu pour ceux qui parlent anglais couramment. C'est en fait une sorte de version alternative du début de la Genèse où on raconte le début de la création, mais cette fois-ci, Dieu est Shi. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et cette genèse accentue un petit peu le côté naturel, puisqu'on y parle beaucoup des arbres, du vent, des sons, etc. Et du langage qui est déjà créé à la Genèse, alors que dans la Genèse originale, le langage est créé par les hommes après, plus tard. Donc tout est dit divin, mais d'une manière différente dans cette Genèse d'album. Et ensuite, donc voilà, l'histoire continue et continue d'être énoncée par Lisa Marie Simmons au fil de l'album, avec donc cette volonté de réécrire et de refaire l'histoire de manière un petit peu plus juste qu'elle ne peut être aujourd'hui vis-à-vis des minorités, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de tout le monde. Voilà. Et donc on va écouter un deuxième morceau qui lui s'appelle Intent, donc l'intention, qui lui est un petit peu plus musical que celui qu'on vient d'entendre, et notamment beaucoup plus jazzy. On va commencer tout de suite d'ailleurs avec ce deuxième morceau, Intent, Lisa Marie Simmons et Not Speak. Ocean Vuong asks, are we bound by history? Will we remain captive to a brutal vernacular? Is there another way in the US of A, built upon conscripted violence, an indulged scarlet mist unrestricted? If death is progress, let's paint the town red. Build skyscrapers over graveyards. Skip on skeletons under sidewalks. Frolic above a hidden burial ground. Spin on a macabre merry-go-round. Of success through the lexicon of death, of crush the weak, of doublespeak. You slayed, you murdered, you conquered. Gah, but I bombed out there, I died, I flatlined. What of buoyant, unquenchable delight? Stories, embers floating at firesides, outright, bright, transcendent, Ross Gay delight. Hands clasped, watching sun bloom tides. What of curiosity? A vision. Language a passkey, unlocking the depths within this mystery of our self-inflicted miseries. Power-hungry politicians pacifying us plebeians with platitudes invented, despite war. Beginning war. Mm-hmm. language, a grappling hook, tossed into a sea of possibility. Ah, to grasp it, to perceive that we can adapt vocabulary for today's needs, which are every era's needs. Unrelenting kindness, the encyclopedia of our love, a cool cloth on a hot head. Watch our consciousness expand. Not through policing of words, but through the thrill of a perfectly prepared package, playfully presented. There, that joy in the maturation of communication. A boy whispered to me, in this digital age, words wound more than a punch in the face. Why not deliberate, thoughtful, respectful, careful? Cheerful, playful, hopeful, joyful, intent. Lisa Marie Simmons et Note Speak, donc extrait de cet album In a Word, sorti fin 2025 sur Ropadope. Le morceau s'appelait Intent, et voilà, c'est réussi comme ça tout du long. À la fois, on est pas trop gêné par le fait que ça soit juste parlé, parce que c'est tellement musical derrière que ça nous emmène avec. Voilà, être angliciste est un plus, on va dire, pour pouvoir comprendre tout le texte. Et cette histoire un petit peu d'une sorte d'Amérique qui pourrait être alternative en 2026, mais bon. Peut toujours rêver, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. On va passer à un deuxième coup de cœur. C'est un contrebassiste et chanteur d'origine anglaise, mais qui est installé en grande partie en France. Il s'appelle Malcolm Potter et il vient de sortir lui aussi un nouvel album, là, tout début 2026, qui s'appelle We Need to Talk, Il faut qu'on parle. Et dans lequel il est accompagné de pas mal de gens intéressants. C'est un album qui le voit un petit peu mêler le côté jazz avec des mélodies qui sont un petit peu issues de la pop. En même temps, on sent qu'il a beaucoup écouté certainement Sting, Stevie Wonder, voire même les Beatles. Il a une voix tout à fait particulière, un grain de voix un petit peu spécial. Certains le comparent à Sting. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pas tout à fait le même type de voix quand même. Mais voilà, ça joue bien. C'est très très jazzy en même temps. Et puis il y a ce côté un petit peu accrocheur pop qui est particulièrement réussi, je trouve. Donc le morceau que je vous ai choisi, extrait de cet album We Need to Talk, c'est le morceau She Loves Another, elle en aime un autre, pas de bol. Voilà, Malcolm Potter, She Loves Another. I think it was me, but it might have been her. And how did I realize? Well, would you believe? I don't know. Said a word, who eyes, sending a smile. Well, oh, do you believe it? I don't know. Was it me or was it her? And how did I realize? Well, oh, do you believe? I don't know. Was it fast? Love at first sight. Well, would you believe it? I don't know. She loves another. I don't wanna share her. Yes, she loves another than me. My heart is broken. She loves another. C'était donc Malcolm Potter, contrebassiste et chanteur, sur ce She Loves Another et cet album We Need to Talk. Je vous avais dit qu'il y avait de beaux musiciens, et notamment sur ce titre-là, Noé Ren, qui joue de la guitare et qui nous sort un bien joli solo là, au milieu du morceau. Voilà, donc Malcolm Potter, qui est basé du côté de Grenoble, donc voilà, un musicien anglais qui a trouvé sa place en France. Et on va juste faire quelques kilomètres, puisque le coup de cœur suivant, c'est Louis Matute, qui, comme son nom ne l'indique pas, est suisse, en fait, donc voilà, de Grenoble jusqu'en Suisse, il n'y a pas si loin. Et il nous revient avec un nouvel album, si je compte bien, je crois que c'est son troisième. L'album s'appelle Dolce Vita, donc on reste aussi un peu dans la région avec un titre italien. Louis Matute, c'est vraiment un guitariste avec un son aussi très très fin, très très très doux, dont les origines se situent du côté du Honduras. Son père était hondurien et il y a aussi donc dans sa musique des influences qui nous parviennent de l'Amérique du Sud. Et ça se sent vraiment dans son jeu, mais aussi dans la musique qu'il écrit. D'ailleurs, sur l'album, il y a quelques invités, dont Joyce Moreno, chanteuse brésilienne, et Dora Morallenbaum, elle aussi chanteuse brésilienne d'ailleurs, qui joue avec lui. On y retrouve aussi Gabi Hartmann, la chanteuse française qui est là, et puis Léon Fall, qui joue du sax sur plusieurs morceaux. Donc voilà, pas mal de joli monde pour l'accompagner sur cet album. On va en écouter un bel extrait qui s'appelle Santa Marta. Santa Marta, donc extrait de cet album Dolce Vita de Louis Matute. Thank you. Louis Matut, extrait de ce nouvel album Dolce Vita, et le morceau s'appelait Santa Marta. Vous aurez noté quand même une petite influence aussi, je dirais, au niveau du son de la guitare et du style d'un certain Carlos Santana. Par moment, quand même, ça s'entend un petit peu, mais ça, c'est les origines sud-américaines qui parlent certainement. Voilà pour ces quelques coups de cœur du jour. On y reviendra tout à l'heure, mais d'abord, on va parler un petit peu de la rubrique Abacadisque, avec pas mal d'autres choses qui sortent ces jours-ci. Chez ceux qui sont plutôt amateurs de blues rock, un nouvel album de Anna Popovitch qui vient juste de débouler là, dans les bacs des disquaires. Un nouvel album de Baptiste Herbin en duo avec Minnie O'Garay. Baptiste Herbin qu'on avait accueilli sur le dernier festival Jazz en Touraine. Donc là, qui revient encore avec un projet différent, puisque Jazz en Touraine, c'était un projet autour de Django Reinhardt joué au sax, original. Là, c'est un duo avec le percussionniste Minnie O'Garay. L'album s'appelle Los Arregladores, donc ça doit être très, très sud-américain. On sait que Baptiste Herbin nous avait parlé de son amour du Brésil lors de ce concert. Donc voilà, il continue d'explorer les musiques latino-américaines aussi. Nouvel album de Craig Taborn, dans un tout autre genre aussi, qui sort, qui s'appelle Dream Archive. Et puis un Panoramic Project Piano Extended qui sort. Et un nouveau Pablo Murgier qui s'appelle Sirocco, avec aussi pas mal de rééditions qui débarquent, notamment un très beau What a Difference a Day Makes de Dinah Washington, une réédition du Jazz Party de Saïb Shihab pour ceux qui aiment la flûte jazz, un petit peu psyché, etc. Une nouvelle réédition de Blossom Deary aussi, Give Him the Hulala. Voilà, là, ça, on se rapproche un petit peu de ce qu'on écoutait au tout début de l'émission avec le morceau de Rosemary Clooney utilisé dans Mad Men. Blossom Deary, on est un petit peu dans le même type de voix, un petit peu légère, etc. Avec des chansons qui faussement sans grande envergure, mais en fait qui sont très très très jazzy et très bien faites. Voilà, puis des rééditions toujours de Billy Vance. Il n'arrête pas d'en sortir des disques de Billy Vance, des lives plus ou moins inédits. Disons qu'ils étaient sortis souvent sous forme de pirates, mais voilà, maintenant ils sont officialisés et souvent de bien meilleure qualité sonore. Art Blakey aussi, dont est réédité le Three Mind Mice, qui était un de ses grands albums. Toutes ces rééditions sont bien sûr en vinyle et en CD, parfois même seulement en vinyle, mais bon, voilà. C'est bon de le savoir parce qu'il est toujours bon de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour voir l'histoire du jazz et ne pas seulement se limiter aux nouveautés, parce que toutes ces nouveautés ont un ancrage dans la tradition du jazz. Et puisqu'on parle de tradition, eh bien on va parler de cette chanteuse norvégienne qui vient avec un nouvel album. L'album s'appelle Nord, le Nord, comme le septentrion. Et Rebecca Bakken, c'est son nom, a choisi de faire un album dans lequel elle revient sur ses racines musicales norvégiennes. Et cela nous donne un album qui n'est pas forcément très très jazz, mais qui est particulièrement réussi parce que elle insuffle à tous ces hymnes ou ces mélodies un peu folk de sa Norvège natale, que lui a transmise notamment sa mère, mais aussi sa participation aux événements sociaux en Norvège. Eh bien, elle réussit à en faire quelque chose de différent. Elle apporte sa propre patte. Elle recrée en fait une sorte de folk, mais avec ses propres arrangements. Et c'est vraiment très très beau. C'est difficile de trouver des informations claires sur cette Rebecca Bakken, parce que aussi bien son site à elle que d'autres sites sur internet sont pas très loquaces à son sujet, si ce n'est qu'elle a fait une quinzaine d'albums en tout, certains en solo, d'autres avec Julia Hulsman, d'autres avec le guitariste Wolfgang Mutschpiel, et puis d'autres avec en duo simplement avec Johannes Anders ou Christoph Lauer. Enfin, bon, elle travaille vraiment dans l'univers du jazz, mais là, elle voulait faire un petit pas de côté sur ses racines norvégiennes. Alors, le morceau que je vous ai extrait de cet album qui s'appelle Nord, donc, le morceau est un morceau dont le titre est donc en norvégien, donc je vais me lancer. Le titre c'est Mitt Herze Haltet Vanker, je ne sais pas si je l'ai bien dit avec le bon accent, ce qui en français donne quelque chose comme Mon cœur est toujours en errance. Bon, c'est scandinave, hein, donc ça, c'est pas très youpla tout ça, hein, donc mon cœur est toujours en errance, et vous allez voir, la musique est à l'avenant, c'est pas d'une folle gaieté, mais c'est prenant au niveau du style, je vous laisse en sa compagnie. On n'est pas très très loin parfois de l'univers de gens comme Björk notamment, ou comme certaines chanteuses celtiques comme Lorena McKennitt. Rebecca Bacon, donc, je vous le redis en français, Mon cœur est toujours en errance. Thank you. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut, après l'épisode neigeux qu'on a connu ces derniers temps. Voilà, ça nous donne des envies de Scandinavie, là, de grands espaces. C'était Rebecca Bakken, donc chanteuse jazz, mais qui a souhaité dans ce nouvel album appelé Nord, faire un retour et un hommage à sa Norvège natale et aux mélodies traditionnelles qu'elle a pu entendre dans son enfance. Et ma foi, le résultat est particulièrement réussi, particulièrement beau. Voilà, on aimerait se dorloter sous la couette comme ça, en écoutant ça à longueur de temps. Agenda concert, désormais, il y a pas mal de choses qui sont apparues ces derniers temps, là, depuis un mois ou deux, qui n'étaient pas prévues au début d'année, donc on va en parler. Pas mal de choses qui se passent sur le mois de janvier, déjà, avec un concert de Claire Dieterzy à la Pléiade de la Riche le 17 janvier. Le 15 janvier, donc deux jours avant, il y a un concert de Camilla Djoubran et Sarah Murcia, Salokegem, organisé par le Petit Faucheux, mais Salokegem. Alors là, on est dans une musique un petit peu différente, c'est pas directement du jazz, c'est plus des musiques issues des pays du Moyen-Orient, mais c'est vraiment très très beau, un mélange entre Moyen-Orient et puis Espagne pour Sarah Murcia. C'est vraiment vraiment très beau, l'intrication de ces musiques. Il y a également le 27 janvier, toujours au Petit Faucheux, Célène Saint-Aimé et Yavoy qui viennent en concert. Célène Saint-Aimé, contrebassiste de jazz avec des influences bien sûr antillaises, puisqu'elle est originaire des Antilles. Là aussi, un beau concert en perspective. Et puis, on parlait tout à l'heure de Anna Popovitch avec son nouvel album. Et bien, il y a une autre grande dame du blues rock qui sera le 7 février à la Ville aux Dames, à la salle Maria Callas, pour la nuit du blues. C'est Nina Attal qui vient nous faire un petit concert là, assez étonnant, parce que dans cette salle il passe pas souvent grand chose, mais depuis 2-3 ans il passe un petit peu de blues, et c'est une bonne occasion de pouvoir aller en profiter de l'énergie de cette jeune femme. Voilà, et puis le 12 février il y aura Yom et Sekaldi, toujours au Petit Faucheux. Donc là, on avait écouté ensemble un morceau au mois de décembre, musique un petit peu entre musique cool zen et puis jazz, vraiment vraiment très intéressant. Et puis donc, qui est tombé très récemment, il y a ce concert qui a lieu à Savonnières à la Maison Mam le 16 janvier prochain, concert organisé pour la sortie d'un album du batteur Thierry Lange-Berthaud, qui a fondé un beau quartet, ma foi, qui s'appelle 4 in 1, 4 en 1. Le quartet 4 en 1, ce nom vient en fait du nom d'une composition de Thelonious Monk, et tout l'album justement est un hommage à Thelonious Monk, avec des reprises de ses morceaux, pas forcément les plus célèbres d'ailleurs, des morceaux un petit peu issus de toute sa discographie, et que Thierry Lange-Berthaud a voulu remettre un petit peu en avant. Alors il s'est entouré pour cet album de bien beau monde, puisqu'il y a Ricardo Izquierdo au saxophone. On avait déjà fait des coups de cœur sur ses albums solo. Ricardo Izquierdo, c'est vraiment un saxophoniste de grande, grande, grande qualité. Il y a Eric Lehrer à la guitare. Là aussi, c'est un guitariste vraiment de très, très haut niveau. Et Guillaume Souriau à la contrebasse, aussi très, très bon contrebassiste. Donc, ce vendredi 16 janvier 2026 à 19h30 à Savonnières, Maison Mam, il faudra être là, parce que ça risque de jouer quand même très, très, très, très bien. Un très beau concert de jazz, et ça me donne l'occasion d'aller voir cette salle de la Maison Mam, parce que je ne la connais pas, j'ai encore jamais mis les pieds, mais il est toujours bon d'aller voir les lieux comme ça, surtout quand il y passe de la si bonne musique. Alors pour vous permettre de découvrir un petit peu cette formation de 4-in-1 de Thierry Lange-Berthaud et ses collègues Ricardo Izquierdo, Eric Lehrer et Guillaume Souriau. Et ben, on va vous passer un extrait du trailer de l'album 4-in-1, justement, parce que les morceaux, les pistes sont pas encore disponibles séparément, chacune de leur côté. Donc, c'est un petit peu une petite présentation de cet album avec des extraits de différents morceaux, mais ça vous donnera une bonne idée de la manière dont ils ont voulu relire l'œuvre de Thelonious Monk. Donc ce groupe 4-in-1, donc le trailer de leur album. C'est toujours un petit peu frustrant de n'avoir que des petits extraits comme ça, mais ça donne bien une tonalité de l'ensemble de cet album et surtout de ce qu'on va pouvoir entendre en concert. Donc le vendredi 16 janvier 2026 à 19h30 à la Maison MAM de Savonnières, avec donc le 4-in-1 quartet de Thierry Lange-Berthaud à la batterie, Ricardo Izquierdo au saxophone, Eric Lehrer à la guitare et Guillaume Souriau à la contrebasse. Ça risque d'être un très beau moment, et puis peut-être que dans une prochaine émission on aura une petite interview de Thierry Lange-Berthaud à vous faire écouter pour découvrir aussi. C'est important de faire découvrir les musiciens locaux et leur belle carrière, en l'occurrence. Voilà, on va terminer tranquillement cette émission avec, comme d'habitude, une réédition, non sans avoir remercié encore une fois Vincent pour la technique. Pour vous dire que vous pouvez toujours réagir sur cette émission et sur les programmes, soit sur Facebook Osez Jazz à tous les étages, soit sur Instagram Osez Jazz tout court, et puis vous pouvez aussi nous laisser des messages ou réécouter cette émission sur les podcasts de www.radioactivefm.fr, où vous trouverez toutes les informations également, et puis les podcasts pour les émissions que vous auriez éventuellement ratées. Donc la réédition avec lesquels on va clôturer cette émission, c'est un album de 1959 de monsieur Art Farmer, trompettiste de son état. Il y avait de la concurrence à l'époque, hein. Il y avait notamment un certain Miles Davis qui sortait Kind of Blue cette année-là. Et donc en 1959, Art Farmer sortait un album qui s'appelle Modern Art, donc petit jeu de mots entre l'art de son prénom et l'art, l'art moderne, dans lequel il était accompagné d'une belle équipe de musiciens, puisque avec lui jouait sur cet album Benny Golson au sax, Dave Bailey à la batterie, Billy Vance lui-même, le grand Billy Vance au piano, et puis Addison Farmer qui n'était autre que le frère jumeau de Art Farmer, donc deux jumeaux qui se sont lancés tous les deux dans cette aventure du jazz. Pourquoi pas, quelle famille. Faut savoir qu'en 1958, Art Farmer, Benny Golson et Billy Vance avaient tous les trois été élus les nouvelles stars montantes du jazz par le magazine Downbeat, un magazine de jazz qui a toujours fait un peu la pluie et le beau temps. C'était leur jazz magazine, en gros, si on veut un équivalent français ici. Voilà, ils avaient été réunis finalement par Monte Kay, un producteur, sur cet album, donc un an plus tard, où Art Farmer joue de la trompette, mais aussi du bugle, mais aussi de la flompette. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cet instrument, la flompette? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et bien, c'est une sorte d'instrument hybride entre la trompette, le bugle et puis un petit peu la flûte, puisque flompette, c'est une contraction du mot flûte et du mot trompette. Donc un instrument qu'il s'était fait fabriquer spécialement par un facteur d'instruments qui s'appelait David Monette à l'époque, parce qu'il aimait bien ce son un petit peu plus aigu, un son un peu hybride entre flûte, bugle et trompette. Mais bon, c'est un instrument qui a pas eu beaucoup d'avenir, à part dans sa carrière à lui, à Art Farmer, ça a pas été repris par d'autres. Art Farmer, donc grand trompettiste, qui a quand même joué avec Clifford Brown, avec Lester Young, avec Quincy Jones, avec Gigi Grice, Thelonious Monk, Coleman Hawkins, Charlie Mingus, Art Blakey, Hank Mobley, Sonny Clark, Clifford Jordan, et Jerry Mulligan, dans le quintet duquel il jouait à l'époque de l'enregistrement de cet album Modern Art. Donc le morceau que je vous ai sélectionné dans cet album, c'est un morceau qui s'appelle Mox Nix, donc extrait de cet album Modern Art en 1959. Sur ces bonnes paroles et sur les airs de musique qui vont suivre. Je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et que le jazz soit avec vous. Thank you. Mm-hmm.